Merci d'être avec nous dans ce journal et voici tout de suite les grandes articulations. Désormais, les constructions en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura doivent être des bâtiments de deux niveaux minimum dans des parcelles d'au moins de 10 ares pour respecter le code de l'urbanisme. Des précisions avec le ministre en charge des infrastructures. Et le ministre de l'Intérieur n'est pas du tout satisfait de l'exécution des plans de projets de développement dans certaines communes, mais il reconnaît que ceux qui les ont montés manquent d'expérience en la matière. Et en Provence, Bururi, les avis sont partagés à propos de la suppression ou du maintien des quotas ethniques dans la constitution de la République du Burundi. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les propriétaires des parcelles en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura doivent construire conformément au code de l'urbanisme. Le ministre des Infrastructures indique que toute parcelle ayant une superficie ne dépassant pas 10 ares doit comprendre un bâtiment de deux niveaux au minimum, tandis que celle d'une superficie de plus de 10 ares doit comprendre un bâtiment de plus de 4 niveaux. Le ministre Dieudonné de Koundané l'a dit ce mercredi soir après une descente sur terrain pour constater les parcelles mal aménagées ou non bâties. On l'écoute. En termes de construction, surtout dans les milieux urbains, ici particulièrement dans la commune de Mukaza, le code de l'urbanisme précise en son article 98 que les services de l'urbanisme établissent un règlement d'occupation. Donc la façon dont les gens doivent construire dans un coin ou dans un autre. Et effectivement, le service de l'urbanisme avait établi que pour des parcelles inférieures à 10 ares, les constructions doivent être à 3 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 2. Et tandis que les constructions dans des parcelles qui dépassent 10 ares doivent être au minimum de 5 niveaux. Quand je dis au minimum, ça veut dire que vous pouvez aller à 10 ou à 20, mais vous ne pouvez pas aller en dessous. Alors, qu'adviendra-t-il à ceux ou à celles qui ne seront pas capables ou qui ne voudront pas tout simplement suivre, parce que bon, il peut y en avoir de tels gens. Ce dispositif légal justement de 2016, le code de l'urbanisme le précise en son article 69. Donc l'article 69 dit que si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas, donc vous pouvez être indemnisé ou exproprié pour que ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, puissent justement rentrer dans cette vision de l'État. Mais ici, je voudrais nuancer. Il se peut qu'un propriétaire ou un autre puisse ne pas avoir les moyens. Nous les encourageons à travailler en synergie avec les autres. Dieudonné de Koundané, c'est le ministre en charge des infrastructures. Les plans des projets de développement des communes n'ont pas été bien exécutés dans certaines communes suite au manque d'expérience de ceux qui les ont montés. Certains administrateurs communaux ont soulevé des inquiétudes sur les activités qui n'ont pas été réalisées suite à l'emplacement des communes. D'autres ont signalé que certains programmes exigent trop de moyens financiers que la commune ne parvient pas à avoir. Ils s'exprimaient dans une réunion tenue ce jeudi par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteletse, à l'endroit des gouverneurs de province et des administrateurs. Jean-Marie Mayonga. Au cours de cette réunion qui a rassemblé les gouverneurs des provinces, les administrateurs communaux, il était question d'évaluer comment les programmes de développement des communes ont été élaborés. Certaines autorités ont montré qu'ils ont manqué des données actualisées et d'autres disent qu'ils ont planifié les projets qui demandent assez de moyens financiers alors que les communes n'en ont pas. Pas maintenant avec On le fait souvent dans les communes car on nous demande de présenter les PCDC de chaque année. Ce qu'on prévoyait, ça ne nous demande pas même 40% car les ressources des communes sont connues. Certaines communes comme celle de Kigamba où même le paiement des salaires du personnel est un problème et le budget est compté des milliards, ce qui n'est pas facile. Là, on va prévoir des activités non réalisables et lors des évaluations, on dira qu'il n'y a aucune activité réalisée dans ces années de planification des PCDC. Sur toutes ces inquiétudes, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteletse, les a tranquillisés et leur a demandé de prendre du temps pour retravailler ces projets. Un délai d'un mois a été donné pour que ces projets soient bien planifiés. Il faut que cet acte ne soit voué à l'échec. Cela doit être un bon début pour la planification du développement communal et communautaire. Soyez toujours auprès de vos conseillers en charge du développement. Veillez à ce que les projets soient validés par le conseil communal et vous devez terminer tout cela avec le mois de septembre. Martin Niteletse a demandé à ses autorités à ne pas planifier les projets qui exigent les moyens que les communes n'ont pas. Et quant à ceux qui pensent que ces projets seront financés ou réalisés par les aides des bailleurs étrangers, ils les ont invités à ne pas utiliser les moyens dont les communes ne disposent pas. La réunion a été clôturée en rappelant à ses autorités administratives à connaître que les PCDC sont comme Bible utilisée par l'administrateur pour s'auto-évaluer sur le développement de sa commune. Un reportage de Jean-Marie Mayonga. Le président du parti CNL appelle le ministre de l'Intérieur à se ressaisir et à laisser ce parti gérer ses affaires. Dans une conférence de presse ce jeudi, l'honorable Gaton Ouassa a fait savoir que ce ministère leur a interdit une retraite qui allait se tenir le 20 de ce mois. Il informe en outre qu'un congrès extraordinaire va bientôt se tenir et que la participation des 10 militants qui étaient au bureau politique dépendra de leur attitude. Mais il ne donne aucune précision sur la date de tenue de ce congrès. On écoute Agaton Louassa. Il regarde la situation quant à son évolution. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique à lui demander de laisser le parti CNL organiser librement ses assemblées régionales et le congrès ordinaire. C'est ainsi que le 4 de ce mois d'août, il nous a accordé une audience et nous avons échangé avec le ministre. C'est à cette occasion que nous lui avons exprimé que nous trouvions judicieux d'organiser une retraite. Nous pensions qu'une retraite était la voie la mieux indiquée. Mais il semble que l'attitude du gouvernement via le ministère de l'Intérieur est de plutôt nous contraindre à fonctionner comme bureau politique. Et là, je trouve que c'est quand même une immixtion en quelque sorte, parce que c'est au parti de s'organiser, c'est pas au ministère de nous organiser. Et nous devrions donc tenir cette retraite-là le 20 de ce mois. N'eût-ce été justement l'interdiction par le ministre de suspendre cette activité. En réalité, si c'est la crise du parti, c'est au parti de régler cette crise. En effet, la suspension de ces membres-là, pour les fautes lourdes qu'ils avaient commises, ne signifie autre qu'un rappel à l'ordre. Quel que soit le degré de provocation, c'est la retenue que nous avons toujours prêchée. Et donc, ce congrès, c'est un droit. Et c'est ce congrès-là qui va en fait nous aider à mettre un terme à tout ce climat délétère qui s'observe. Notre flexibilité dépend de leur attitude. Ce n'est pas à se cristalliser et à se donner des prérogatives qu'ils n'ont pas qu'ils réussiront leur coup. Non. Agaton Ouassa, président du parti CNL, la rédaction Isanganiro n'est pas encore parvenue à recueillir la réaction des ministres de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Certains habitants de la province de Bururi sont pour la suppression des quotas ethniques au niveau de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Ils expliquent que cela avait été mis dans la Constitution pendant la période de conflit. D'autres soutiennent le maintien de ces quotas car la question ethnique est toujours d'actualité. Zenon Zambimal. Au cours de cette réunion organisée à Bruli par le deuxième vice-président du Sénat burundais, honorable Fabrice Nkurunziza, certains de la population de la province de Bruli qui se sont exprimés disent qu'ils sont pour la suppression des quotas ethniques au niveau de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, car ces quotas ethniques avaient été mis dans la constitution burundaise pendant la période de guerre qui ont secoué le Burundi. Mais aujourd'hui, la paix est revenue. D'autres qui sont pour la suppression de ces quotas ethniques dans la constitution se sont exprimés en disant que ces ethnies émanent de la division qui a été semée par les colonisateurs pour leurs propres intérêts. Selon eux, garder ces quotas ethniques dans la constitution alors que le colonisateur est déjà parti serait une façon de continuer à le soutenir. Certains d'entre eux voient que la suppression de la constitution permettra aussi la mise en avant du mérite dans tel ou tel autre poste. D'autres soutiennent le maintien du quota ethnique car, selon eux, l'origine de ces quotas ethniques de 60% pour les Hutus et 40% pour les Tutsis sont les accords d'Arusha qui ne voulait que trouver une solution aux conflits ethniques qui ont secoué le Burundi où certains des citoyens se sont même entretués. Mais certains de ces conflits n'ont pas encore tous trouvé de solution, surtout que le mérite n'est pas encore considéré dans certains postes. Selon eux, il faut qu'il y ait d'abord la distinction des postes techniques et des postes politiques. D'autres proposent de garder cet article, mais moyennant quelques modifications au niveau des chiffres. Quant aux Batois qui se sont exprimés au cours de cette réunion, ils disent qu'ils ont été oubliés dans cette constitution. Ils demandent le maintien de l'article 289 dans la constitution, mais demandent qu'ils soient eux aussi suffisants. Depuis Bururi, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Zambimana. Une réunion similaire a été organisée, animée ce jeudi à Gitaza par le président du Sénat burundais. Là, nous sommes en province Rumonge et là aussi, les avis sont partagés. Les leaders communautaires des communes de Bugarama et Muhuta divergent sur la suppression ou le maintien des quotas ethniques au niveau de certaines institutions du Burundi. Une peine de servitude pénale et une amende de 50 000 de non-francs, telle est la peine que le procureur de la République à Kirundo a requise contre Wiri Zanyeleondas, secrétaire permanent à la commune Nega, pour outrage envers le chef de l'État. C'était dans un procès de flagrance de ce jeudi. Correspondance d'Agnès Naomagadze. Le tribunal de grande instance de Kirundo vient de siéger dans un procès de flagrance à l'intention de Léonidas Biridzanye, où il est accusé d'outrage à l'institution du chef d'État burundais Evariste Ndayishimiye à travers un message WhatsApp qu'il a interprété le discours du président de la République le 17 août de cette année même. Le procureur de la République a demandé une servitude pénale de 5 ans et une amende de 50 000 francs burundais en appliquant l'article 393 et 399 du code pénal qui indique les sanctions prévues pour l'outrage commis au chef d'État qui est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et une amende de 10 à 50 000, toutes sortes d'écrits ou envois d'objets adressés à une personne chargée d'une mission de service public de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect à la fonction dont il est investi. Biridzanye plaide non coupable, arguant qu'il n'avait aucune intention de faire outrage à son Excellence le Président de la République, mais plutôt qu'il n'avait qu'interprété le discours de son Excellence où il interpellait les administratifs fainéants de se ressaisir. Il demande que la justice soit bien faite et qu'il soit relaxé sans condition, car ce message interprété vient d'un autre groupe WhatsApp en date du 11 août de cette année même, et lui, il n'a fait que le transférer le 17 août de cette année même. Son avocat indique que l'article 400 du code pénal qui stipule que la servitude pénale ne peut être prononcée lorsque l'écrit public sans indication requise fait partie d'une publication dont l'origine est connue par sa parution antérieure. Il demande que les articles 2 et 3 du même code pénal soient tenus en considération, que Biridzanye soit libéré sans condition. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Et puisqu'on parle justice, le procureur général de la République demande au gouverneur de la Banque de la République du Burundi d'ordonner à toutes les institutions financières à n'autoriser aucun mouvement sur les comptes bancaires ouverts au nom d'Alain Guillaume Wignoni, qui était Premier ministre, avant sa destitution suivie de son arrestation. Dans une correspondance lui adressée, il explique que cette mesure est motivée par le souci de bien instruire le dossier ouvert au parquet général, dans lequel Alain Guillaume Wignoni est parmi les personnes poursuivies pour diverses infractions. Cette ex-premier ministre, actuellement locataire de la prison centrale de Gitega, a été arrêté le 21 avril 2023 à Nyamouzi, en zone Mouwone de la commune Kawezi dans la province de Bujumbura, où il se cachait selon un communiqué de presse du parquet général de la République. Et parmi les infractions pour lesquelles il est poursuivi, citons notamment l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, la prise illégale d'intérêts, la détention illégale d'armes. L'Union européenne et le Burundi partageons les valeurs qui nous rapprochent. Le réseau Femmes Europe, en collaboration avec l'Union européenne, est satisfait de l'état d'avancement des projets entrepris par les femmes réunies au sein du réseau en matière de développement communautaire. Réunis en atelier d'évaluation d'état d'avancement de ce réseau créé il y a 5 mois et qui couvre cette province, ces femmes veulent agrandir le champ d'action dans toutes les provinces du pays. Suivez plutôt Ange Muyobira, elle est membre du réseau Femmes Europe et une des marraines du dit réseau. Vous savez, il y a certaines initiatives qui commencent pendant le mois de la femme. Et donc nous avons commencé, mais en commençant, nous ne pensions pas que nous allions continuer. Et donc il s'est fait que même le peu de jours que nous avons passé ensemble a amené pas mal de fruits. Et puis alors maintenant, on se dit, mais écoutez, on n'a pas vraiment été assez active. On va l'être parce qu'on s'est rendu compte justement qu'on avait besoin de l'une de l'autre. Les défis, en tout cas ce qu'on s'est dit qu'on doit faire, attention, c'est de nous assurer que nous ne rentrons pas dans un réseau pour être dans un réseau, que vraiment nous voyons quels objectifs nous nous fixons pendant une période X et puis voir comment ça se passe, de vraiment être là les unes pour les autres et puis ben, de voir maintenant avec de bons résultats comment progresser et aller de l'avant. Autre chose aussi qu'on s'est dit, on a dit que aussitôt qu'on verra comment les choses avanceront, en tout cas avec l'idée de l'Union européenne, c'est de pouvoir ouvrir ce réseau et que ce qui a été fait dans les 7 provinces, parce que c'est 7 provinces que, dans lesquelles nous provenons, que d'autres provinces puissent aussi y adhérer, dont la province de Makamba qui nous a accueillis aujourd'hui. À noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la caravane Burundi-Union européenne qui est à sa 4e journée et était au niveau de la province Makamba avec comme thématique portant sur la protection et l'autonomisation des femmes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.